Note de bas de page. Petite. Une île bâtie au milieu de la mer par une colonie de petits animaux semblables à des chenilles. Il s'agit des corallites. Petit 2. Une forêt de pierres massives. Une des plus remarquables curiosités du Texas est en effet une forêt pétrifiée près de la source de la rivière Pasigno. Elle se compose de quelques centaines d'arbres parfaitement droits, tous changés en pierre. Quelques-uns, qui commencent à pousser, ne sont qu'en partie pétrifiés. C'est là un fait frappant pour les naturalistes et qui doit les amener à modifier leur théorie de la pétrification. Kennedy. L'existence de ce fait, d'abord contesté, a été depuis confirmée par la découverte d'une forêt complètement pétrifiée près de la source de la rivière Cheyenne ou Chienne, qui sort des montagnes noires de la chaîne des Rocs. Il y a peu de spectacles sur la surface du globe plus remarquables, soit au point de vue de la science géologique, soit au point de vue du pittoresque, que celui de la forêt pétrifiée près du Caire. Le voyageur, après avoir passé devant les tombes des califes et franchi les portes de la ville, se dirige vers le sud, presque en angle droit avec la route qui traverse le désert pour aller à Suez, et, après avoir fait quelques 10 000 dans une vallée basse et stérile, couverte de sable, de gravier et de coquilles marines, aussi fraîches que si la marée venait de se retirer la veille, traverse une longue ligne de collines de sable qui court pendant quelque temps dans une direction parallèle à son chemin. La scène, qui se présente alors à ses yeux, offre un caractère inconcevable d'étrangeté et de désolation. C'est une masse de tronçons d'arbres, tous pétrifiés, qui sonne comme du fer fondu sous les talons de son cheval, et qui semble s'étendre à des milles et des milles autour de lui, sous la forme d'une forêt abattue et morte. Le bois a une teinte brun foncé, mais conserve parfaitement sa forme. Ses tronçons ont de 1 à 15 pieds de long et de 1,5 à 3 pieds d'épaisseur. Ils paraissent si rapprochés les uns des autres qu'un âne égyptien peut à peine passer à travers. Et ils sont si naturels qu'en Écosse ou en Irlande, on pourrait prendre cet endroit pour quelque énorme fondrière desséchée où les arbres, exhumés et gisants, pourrissent au soleil. Les racines et les branches de beaucoup de ces arbres sont intactes, et dans quelques-uns, on peut facilement reconnaître les vermoulures sous l'écorce. Les plus délicates veines de l'aubier, les plus fins détails du cœur du bois, y sont dans leur entière perfection, et défient les plus fortes lentilles. La masse est si complètement silicifiée qu'elle peut rayer le verre et recevoir le poli le plus achevé. Asiatique Magazine. Petit 3. Une caverne dans les entrailles de la terre et qui contenait des palais plus nombreux, plus spacieux et plus magnifiques que tous ceux de Damas ou de Bagdad. Il s'agit de la caverne Mammoth du Kentucky. Petit 4. Une montagne, des flancs de laquelle coulaient des torrents de métal fondu, en Islande, 1783. Petit 5. Un soleil éclipsé par d'énormes quantités de cendres. Pendant l'éruption de l'éclat en 1766, des nuages de cendres produisirent une telle obscurité qu'à Glaumba, à plus de 50 lieues de la montagne, on ne pouvait trouver son chemin qu'à tâtons. Lors de l'éruption du Vésuve en 1794 à Caserta, à 4 lieues de distance, il fallut recourir à la lumière des torches. Le 1er mai 1812, un nuage de cendres de sable venant d'un volcan de l'île Saint-Vincent couvrit toute l'étendue des Barbades en répandant une telle obscurité qu'en plein midi et en plein air, on ne pouvait distinguer les arbres ou autres objets rapprochés, pas même un mouchoir blanc placé à la distance de 6 pouces de l'œil. Murray, page 215, Phil Eddy. Petit 6. Un lac au fond duquel pousse une forêt. En 1790, dans le Caracas, pendant un tremblement de terre, une certaine étendue de terrain granitique s'engouffra et laissa à sa place un lac de 800 mètres de diamètre et de 90 à 100 pieds de profondeur. Ce terrain était une partie de la forêt d'Aripao et les arbres restèrent verts sous l'eau pendant plusieurs mois. Murray, page 221. Petit 7. Une atmosphère si dense que le fer pouvait s'y soutenir absolument comme des plumes dans la nôtre. Le plus dur acier manufacturé peut, sous l'action d'un chalumeau, se réduire à une poudre impalpable capable de flotter dans l'air atmosphérique. Petit 8. Un jardin d'Éden appelé le royaume de l'horreur. Il s'agit de la région du Niger, voir le Colonial Magazine de Simond. Petit 9. Des bêtes à cornes creusant de vastes cavernes dans le sol en forme d'entonnoir. Il s'agit du Formicaleo. On peut appliquer le terme de monstre aux petits êtres anormaux aussi bien qu'aux grands, les épithètes telles que celle de vaste étant purement comparatives. La caverne du Formicaleo est vaste en comparaison de celle de la fourmi rouge ordinaire. Un grain de sable est aussi un roc. Petit 10. Une plante qui ne pousse pas sur le sol mais dans l'air. Il s'agit de l'épidendron Flos aeris de la famille des orchidées qui n'a que l'extrémité de ses racines attachées à un arbre ou à un autre objet d'où il ne tire aucune nourriture. Il ne vit que de l'air. Petit 11. Des plantes qui naissent de la substance d'autres végétaux. Il s'agit des parasites tels que la prodigieuse Rafflesia arnaldi. Petit 12. Des plantes empruntant leur propre substance au corps d'animaux vivants. Chou parle d'une espèce de plante qui croisse sur les animaux vivants, les Plantae epizoei. À cette classe appartiennent quelques fucies et quelques algues. Petit 13. Des plantes luisant d'un feu intense. Dans les mines et les cavernes naturelles, on trouve une espèce de fungus cryptogame qui projette une intense phosphorescence. Petit 14. Des plantes changeant de place à leur gré. Il s'agit de l'orchis, la scabilleuse, la valinérie. Petit 15. Des plantes asservissant, emprisonnant des créatures afin qu'elles remplissent une tâche fixée. La corolle de l'Aristolochia clématitis, qui est tubulaire, mais qui se termine en haut en membres ligulés, se gonfle à sa base en forme globulaire. La partie tubulaire est revêtue intérieurement de poils raides pointant en bas. La partie globulaire contient le pistil uniquement composé d'un gémen et d'un stigma et les étamines qui l'entourent. Mais les étamines, étant plus courtes que le germen même, ne peuvent décharger le pollen de manière à le jeter sur le stigma, la fleur restant toujours droite jusqu'après l'imprégnation. Et ainsi, sans quelque secours spécial et étranger, le pollen doit nécessairement tomber dans le fond de la fleur. Or, le secours donné dans ce cas par la nature est celui du Tiputa penicornis, un petit insecte, qui, entrant dans le tube de la corolle en quête de miel, descend jusqu'au fond et y farfouille jusqu'à ce qu'il soit couvert de pollen. Mais comme il n'a pas la force de remonter à cause de la position des poils qui convergent vers le fond comme des fils d'une souricière, dans l'impatience qu'il éprouve de se voir prisonnier, il va et vient en tous sens, essayant tous les coins, jusqu'à ce que, enfin, traversant plusieurs fois le stigma, il le couvre d'une quantité de pollen suffisante pour l'en imprégner. Après quoi, la fleur commence bientôt à s'incliner, et les poils à se retirer contre les parois du tube, laissant ainsi un passage à la retraite de l'insecte. Révérend Kate, système de botanique physiologique. Petit 16. Le génie mathématique des abeilles et des oiseaux. Les abeilles, depuis qu'il y a des abeilles, ont construit leurs cellules dans les mêmes proportions, avec le même nombre de côtés et la même inclinaison de ces côtés. Or, il a été démontré, et ce problème implique les plus profonds principes de mathématiques, que les proportions, le nombre de ses côtés, les angles qu'ils forment, sont ceux-là même qui sont précisément les plus propres à leur donner le plus de place compatible avec la plus grande solidité de construction. Pendant la dernière partie du dernier siècle, les mathématiciens soulevèrent la question de déterminer la meilleure forme à donner aux ailes d'un moulin à vent en tenant compte de leur distance variable des points de l'axe tournant et aussi des centres de révolution. C'est là un problème excessivement compliqué. En d'autres termes, il s'agissait de trouver la meilleure disposition possible par rapport à une infinité de distances différentes et à une infinité de points pris sur l'arbre de couche. Il y eut 1000 tentatives insignifiantes de la part des plus illustres mathématiciens pour répondre à la question. Et lorsque, enfin, la vraie solution fut découverte, on s'avisa que les ailes de l'oiseau, avait résolu le problème avec une absolue précision du jour où le premier oiseau avait traversé les airs. Petit 17, un vol de plusieurs millions de millions d'oiseaux. J'ai observé, entre Francfort et le territoire d'Indiana, un vol de pigeons d'un mile au moins de largeur. Il mit 4 heures à passer, et ce, à raison d'un mile par minute, donne une longueur de 240 miles, et, en supposant 3 pigeons par mètre carré, donne 2 230 272 000 pigeons. Voyage au Canada et aux États-Unis par le lieutenant F. Hall. Petit 18. Un continent porté sur le dos d'une vache bleue de ciel ayant 400 cornes. Il s'agit d'une citation du Coran de Sales. Petit 19. Les animaux hommes vivent avec des vers dans leur cervelle. Les entozoas, ou vers intestinaux, ont été souvent observés dans les muscles et la substance cérébrale de l'homme. Voir la physiologie de Wirat, page 143. Petit 20. Un cheval de fer et d'eau bouillante. Sur le grand railway de l'ouest, entre Londres et Exeter, on atteint une vitesse de 71 miles à l'heure. Un train pesant 90 tonnes fit le trajet de Paddington à Didcot, 53 miles, en 51 minutes. Petit 21. Une poule sans plumes, faite de fer et de briques. Il s'agit de l'écolabéillon. Petit 22 et petit 23. Des hommes faits de cuir, de bois et de cuivre. Il s'agit de l'automate joueur d'échecs de Maelzel et de la machine à calculer de Babbage. Petit 25. Changer les métaux vulgaires en or. Il s'agit du principe de l'électrotype. Petit 26. Fabrication d'un fil de métal fin et invisible. Wollaston fit avec du platine, pour le champ d'un télescope, un fil ayant 1/80 millième de pouce d'épaisseur. On ne pouvait le voir qu'à l'aide du microscope. Petit 27. Un homme magicien, pouvant compter les mouvements distincts d'un corps élastique, vibrant avec la vitesse de 900 millions de vibrations en une seconde. Newton a démontré que la rétine, sous l'influence du rayon violet du spectre solaire, vibrait à 900 millions de fois en une seconde. Petit 28. Un fluide, pouvant faire brandir les bras, donner des coups de pied, lutter ou danser à volonté. Il s'agit de la pile voltaïque. Petit 29. Une voix pouvant se faire entendre d'un bout de la terre à l'autre. Le télégraphe électrique transmet instantanément la pensée au moins, à quelque distance que ce soit sur la terre. Petit 30. Un magicien, assis à Damas, pouvant rédiger une lettre à Bagdad. Il s'agit de l'appareil du télégraphe électrique imprimeur. Petit 31. Avec 2 sons produire du silence, avec 2 lumières étincelantes produire une profonde obscurité. Il s'agit d'une expérience vulgaire en physique. Si de 2 points lumineux on fait entrer 2 rayons rouges dans une chambre noire de manière à les faire tomber sur une surface blanche, dans le cas où ils diffèrent en longueur d'un 100 millionième de pouce, leur intensité est doublée. Il en est de même si cette différence en longueur est un nombre entier multiple de cette fraction. Un multiple de 2 1/4, de 3 2/3, etc., donne une intensité égale à un seul rayon. Mais un multiple de 2 1/2, de 3 1/2, etc., donne une obscurité complète. Pour les rayons violets, on observe les mêmes effets quand la différence de leur longueur est de 167 millionièmes de pouce. Avec tous les autres rayons, les résultats sont les mêmes, la différence s'accroissant dans une proportion uniforme du violet au rouge. Des expériences analogues par rapport au son produisent des résultats analogues. Petit 32. Produire de la glace dans une fournaise chauffée au rouge. Mettez un creuset de platine sur une lampe à esprit et maintenez-le au rouge. Versez-y un peu d'acide sulfurique. Cet acide, bien qu'étant le plus volatile des corps à une température ordinaire, sera complètement fixé dans un creuset chauffé et pas une goutte ne s'évaporera. Étant environné de sa propre atmosphère, il ne touche pas de fait les parois du creuset. Introduisez alors quelques gouttes d'eau et immédiatement, l'acide venant en contact avec les parois brûlantes du creuset s'échappe en vapeur acide sulfureuse et avec une telle rapidité que le calorique de l'eau s'évapore avec lui et laisse au fond du vase une couche de glace que l'on peut retirer en saisissant le moment précis avant qu'elle ne se fonde. Petit 33. Invitez le soleil à faire son portrait. Il s'agit du daguerréotype. Enfin, petit 34. Percevoir des objets qui n'existent pas du tout ou qui ont disparu de la surface du monde depuis 20 millions d'années. Quoique la lumière traverse 167 miles en une seconde, la distance des 161 Cygni, la seule étoile dont la distance soit certainement constatée, est si inconcevable que les rayons mettraient plus de 10 ans pour atteindre la Terre. Quant aux étoiles les plus éloignées, 20 ou même 1000 ans serait une estimation modeste. Ainsi, à supposer qu'elles aient été anéanties depuis 20 ou 1000 ans, nous pourrions encore les apercevoir aujourd'hui au moyen de la lumière émise de leur surface il y a 20 ou 1000 ans. Il n'est donc pas impossible, ni même improbable, que beaucoup de celles que nous voyons aujourd'hui soient en réalité éteintes. Herschel l'Ancien soutient que la lumière des plus grandes nébuleuses aperçue à l'aide de son grand télescope doit avoir mis 3 millions d'années pour atteindre la Terre. Quelques-unes, visibles dans l'instrument de Lord Rosse, doivent avoir au moins demandé 20 millions d'années.